Indicateur de référence au temps, future. Demain. Après-demain. Dans 3 heures. Dans 3 jours. Dans 3 semaines. Dans 3 ans. Bientôt. À l'avenir. Dans l'avenir. Prochain. Prochaine. Mardi prochain.